en effet. Ça nous que voit du vent. Belle parole, toujours en fond des yeux. C'est ça mon passé, apprécié. Moi blessé, moi te peux résister. Et puis on tout ça, mais pas dans mes sens. Bien aimé que on l'a et puis moi sans rien et sans rancune moi t'es gueulé au côté moi juste pour nous pe parler juste pour nous pe causer madame me Non, non, non. Moi, t'es pas là.